Sable. Sun Sublime est une gamme de compléments alimentaires disponibles en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. La reprise de l'info, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si Accordiac jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. On a passé un bon moment. Ah oui. On reviendra demain. Ouais. Bon, bah, écoutez, vous me rassurez. Donc. Demain avec Canmera et Malik Bentala pour le doudou, cher oh, ami. Oh, le doudou. Bah, ça, c'est formidable. On n'a plus qu'à retrouver Julien Courbet, que je vois méditatif. Non, parce que je suis très pressé. Donc, ça va être une émission très, très rapide. Donc, rapidement, le sommaire, on y va. Allez, je Hunda. Vous appelle du Nord. Je vous appelle des Hauts-de-Seine. Je vous appelle des Charentes-Maritimes. Voilà, ça, c'est les trois cas. Et c'est tout. Et maintenant, je vous laisse la merci parole à Stéphane Bern. Merci. À bientôt. Merci. Parce que je suis vraiment à la bourre, là. Bonne journée. Salut. Au revoir. Nous avons donc des missions, effectivement, ça sera un petit peu plus développé maintenant. Et quelles sont ces missions? Il y a tout d'abord cette première mission. Je vous appelle du Nord. Ma fille vit dans un logement social depuis 2013. Elle vit un cauchemar avec des cafards qui pullulent dans l'appartement. Ils sont tellement nombreux qu'ils entrent dans les prises électriques et font disjoncter le compteur. Inutile de vous dire que Maître Novakovic a failli faire un malaise quand elle a vu la vidéo que nous avons mis en ligne, et je la comprends, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Si vous voulez participer à Cafarland, vous allez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, vous allez voir que nous ne plaisantons pas, il y en a partout dans les prises de courant, ils font tout disjoncter. Rarement on a vu autant de cafards sur une vidéo qui nous a été envoyée par une auditrice. Le deuxième cas, c'est celui de Sophie sur RTL. Je vous appelle des Hauts-de-Seine. Ma cuisinier devait me livrer un plan de travail. Finalement, on s'est mis d'accord pour qu'il me rembourse mon acompte de 1 416 €. J'attends toujours qu'il me le restitue. Il ne rembourse rien, nous appellerons. Le troisième cas, c'est un cas de camping-car. Je vous appelle des Charentes-Maritimes. J'ai acheté un camping-car que j'ai payé quand même 40 000 €. Et quelques mois plus tard, tous les voyants du tableau de bord se sont allumés et le moteur s'est arrêté. Depuis, une expertise met en cause le vendeur professionnel et le constructeur. Il y en a quand même pour plus de 15 000 € de réparation. Sur un camping-car acheté 40, on en est donc déjà à 55. Pour régler tous ces problèmes, il me fallait une équipe de choc. Il y a à mes côtés Maître Novakovic, l'avocate pénaliste à droit de la famille au barreau de Paris. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Maître Felloneau. Bonjour Julien. Hervé Pouchol, négociation. Bonjour Julien. C'est Céline qui est au standard. Bonjour à tous. Vous écoutez le 9h30-11h, l'émission numéro 1 d'RTL qui est elle-même votre radio préférée. Nous vous remercions pour tout ceci. À n'importe quel moment, vous pouvez participer à l'émission en nous aidant, en nous proposant un cas au 3210 ou sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer, faut appeler Julien Courbet. Je rappelle donc qu'il y a des photos, une vidéo, ou peut-être les deux, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. J'accueille Marie-Christine et ses petits amis maintenant. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Elle les a rassemblés avant de venir au téléphone. Oh. Arrête. Ils sont là à la queue leu-leu et ils attendent maintenant ce que va dire maman. Alors, qu'est-ce qu'elle a raconté à ses petits, Marie-Christine? Ben voilà, ma fille, elle habite dans un appartement social à Lille depuis 13 ans, mais ça fait 6 ans qu'elle est envahie de cafards et qu'ils peuvent venir mettre de la bombe, ils m'ont des fumigènes, mais il n'y a rien qui fait. Les cafards, ils se multiplient. Alors, Marie-Christine, déjà, premier indice, 6 ans que cela existe, et je suppose que les auditeurs se posent la question, donc je vais vous la poser. Pourquoi reste-t-elle? Parce que c'est un logement social et qu'elle n'a pas de moyens de déménager et d'aller ailleurs? Bah, parce que là, maintenant, elle fait une formation pour elle retravailler. Et avec 6 enfants, c'est pas évident qu'elle ait un autre appartement. Quoi. Parce qu'il y a des enfants donc dans l'appartement, vous me dites qu'il y en a combien? 6. Avec les cafards qui rentrent partout, le lit, etc. Ah ouais, dans les lits, partout. Oh là là. Et alors, les prises de courant, ça va jusqu'à disjoncter, il paraît. Ah oui, oui, oui. Même son four électrique, elle a déjà dû remplacer 3 fois son four électrique parce que les cafards, ils rentrent dans les moteurs et ça claque après. Alors, nous avons, je vais me tourner vers JB, Jean-Baptiste, qui s'est occupé de ce cas. On a déjà eu des cas avec des cafards où il y en a quelques dizaines, on les voit sur les photos, mais là, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin, c'est centaines ou milliers, là. Des milliers, ah oui, oui. On a ça jamais va vu jusque ça. Dans le manger, dans les meubles et tout. Voilà, pourvu que vous parliez, elle a bien raison. Elle explique mieux que vous, JB. J'hésitais entre les deux. Et voyez, j'ai posé la question aux deux, vous avez commencé à parler, et elle a dit non, ça sera pas, certainement pas ce JB qui va expliquer mon cas. JB. Oui, et puis on peut dire également que différentes personnes se sont déplacées, notamment le service d'hygiène de la mairie, et pourtant, bah, il n'y a rien qui bouge. Hein. Que ce soit le bailleur social, la mairie, les choses restent en l'état. Alors malheureusement, encore une fois, Maître Novakovic, c'est quand il s'agit d'un bailleur social comme ça qu'on a énormément de mal à leur faire comprendre que de la bombe, ça ne sert strictement à rien. Si, ça sert pendant quelques heures, quelques jours, mais que le mal, c'est certainement dans les parties communes. Donc ça voudrait dire sortir les habitants pendant plusieurs jours. Ça ne les arrange pas, donc on ne le fait pas et on laisse une famille 6 ans vivre avec des enfants comme ça, avec des cafards partout. Julien, je suis absolument scandalisée dans ce dossier. Alors, il faut savoir qu'on a quand même l'Agence régionale de la santé qui peut intervenir, on a le préfet qui peut intervenir, on est véritablement dans l'insalubrité, on ne peut pas laisser 6 enfants dans cette situation. Donc, bien sûr, heureusement qu'on puisse intervenir, il faut intervenir d'urgence, sachant qu'il faut savoir, et ça, c'est, les auditeurs doivent le savoir, on peut saisir aussi le tribunal d'instance qui est un juge, même si c'est un bailleur social, bien citoyen sûr. D'instance qui est compétent. Nous allons appeler parce qu'on ne peut pas laisser cette femme dans cette situation. Alors vous entendez un petit bing comme ça de temps en temps. C'est ma femme qui m'envoie des textos, mais je ne lui répondrai pas. Alors elle peut toujours insister. voilà, c'est comme ça. Et Marie-Christine, vous êtes prioritaire. Et il est hors de question que je commence à répondre à tout le monde maintenant. Marie-Christine, d'accord. Je vais appeler immédiatement. S'il vous plaît, peut-on faire le numéro ? On prend ça avec le sourire parce que, encore une fois, on a eu un haut-le-cœur hein, quand on a vu les photos. Et imaginez qu'il y ait 6 enfants vivant dans cet appartement. Moi, ça me fait énormément de peine. Et puis surtout qu'on est dans la violation de la loi. C'est comme la loi SRU du 13 décembre 2000 qui oblige effectivement le bailleur à laisser le locataire dans un logement décent. Et en plus, attendez, problème d'eau chaude, en plus. Bonjour. Et toilette, je crois, qui fuit constamment. Oui. Donc c'est, on n'est pas loin du tout d'une loi. Exactement. Pardon. Si vous êtes demandeur de logement, tapez 1. D'accord. Si vous êtes client et rencontrez des problèmes de plomberie, VMC, chaudière individuelle, tapez 2. Tout en même temps. Si vous êtes client, partenaire, tapez 3. Oui, client, partenaire. Vous essayez de me trouver quelqu'un. Je veux la petite alerte que voici dès que quelqu'un répondra en direct. Alors, combien paie-t-elle de loyer, Marie-Christine ? Elle paye 176 euros parce qu'elle a la PL. Quoi. Bien sûr, elle a des aides parce qu'elle a 6 enfants. Mais de toute façon, ça ne change rien, je vais vous dire. C'est pas parce qu'on a des aides qu'on a le droit de vivre dans ces conditions avec des cafards. Donc ça, c'est le premier cas. Encore une fois, allez jeter un petit coup d'œil sur les photos, sur le Facebook. Hervé Pouchol, je compte sur vous pour avoir le bailleur social. S'il le faut, peut-être qu'on se tournera aussi vers la mairie parce que le maire, je crois, a une responsabilité. Il a une police, finalement. Il a le service de la... C'est la police du maire, en fait. Hein. Donc il a le service d'hygiène de la mairie qui doit intervenir. Et si la mairie est trop petite, je ne sais pas dans quelle mairie on est là, c'est la mairie, le maire lui-même. Alors donc, justement, voilà. Bah elle est très connue, le maire. Le service d'hygiène de la mairie s'est déplacé pour constater la présence des cafards. Et qu'est-ce qui a été donné comme suite, Marie-Christine ? Bah, ils n'ont rien fait. Il a dit que ça, il y avait été une fois, deux fois, mais il a dit que bon, bah, c'était pas assez, quoi, il ne peut rien faire. C'était pas assez. Ah bon, il faudrait que les cafards se reproduisent un peu plus parce qu'ils les comptent, vous savez. On intervient à partir de 524, c'est notre circulaire. À 439 cafards, madame, nous ne pouvons pas intervenir. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, mais je vous le dis officieusement. Allez acheter 10 cafards de plus pour intervenir. Bon, Marie-Christine, on s'en occupe dans une seconde. Le cas numéro 2, dans une seconde. Charlotte. On parlera de Sophie. Elle a commandé un plan de travail. Elle a payé un acompte, mais le cuisiniste n'a pas pu respecter ses délais de livraison. Alors, elle attend le remboursement. Oui, parce qu'ils lui ont dit, on va vous rembourser, aucun problème. Effectivement, nous n'avons pas pu respecter les délais. Et malheureusement, eh bien, il n'y a plus de remboursement. Et maintenant, on commencerait peut-être même à lui dire, oui, mais est-ce qu'on vous l'avait vraiment dit ? Nous verrons ça dans quelques instants. C'est RTL. It's a feeling you can once in your life. Bienvenue chez votre distributeur Skoda. Monsieur Thomas pour vous aider. Oui, c'est Monsieur Guyet. La Skoda Octavia, elle a la garantie 5 ans offerte ? Oui, Monsieur Guyet. La garantie 5 ans est offerte sur toute la gamme. Bienvenue chez votre distributeur Skoda, Monsieur Thomas. Et le Skoda Kodiaq, vous allez pas me dire qu'il a aussi la garantie ? Monsieur Guyet, la garantie 5 ans est offerte sur tout... À l'occasion des jours Nouveau Départ ce week-end, venez profiter de la garantie 5 ans offerte sur toute la gamme Skoda. Oui, toute la gamme. Offre à particulier jusqu'au 19 juin 2018. Conditions sur skoda.fr. Écoutez... Vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz? L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins Mobalpa sur mobalpa.fr. À la ménopause, je suis prête à tout pour combattre les gonflements inconfortables. Avec Ménophytea Rétention d'eau, j'ai vu le résultat. La formule experte de Ménophytea contient des actifs végétaux tels que le frêne et l'hibiscus qui améliorent les fonctions d'élimination de l'eau de l'organisme. Essayez, vous comprendrez. À la ménopause, Ménophytea s'impose. Ménophytea est un complément alimentaire disponible en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. Christopher, toujours en tête de la course. Mais que fait-il? Il s'arrête dans un centre Best Drive. En ce moment, chez Best Drive, recevez jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. Les copains qui débarquent, les bâtonnets de mozzarella qui croustillent, les mini cheeseburgers. Je ne sais pas vous, mais moi l'apéro, c'est le moment que je préfère. Jusqu'au 1er juillet chez Picard, le troisième produit est offert avec la carte Picard et moi sur une sélection de produits apéritifs. Picard, chaque jour un goût nouveau. Voir conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que vous avez croisé votre ami d'enfance au volant de sa très chic Peugeot 108 ultra personnalisable avec écran tactile, vous tenez absolument à la conduire et connectez votre smartphone avec Mirror Screen pour lui faire écouter votre playlist. En ce moment, la Peugeot 108 style suréquipée est à partir de 79 euros par mois avec écran tactile et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 850 euros, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Avant de passer au cas numéro 2, simplement une précision sur le cas de Marie-Christine et ses cafards. Allez voir la vidéo sur le Facebook, la page ça peut vous arriver. Hervé, vous avez parlé avec elle pour essayer de savoir si d'autres voisins pouvaient avoir des cafards. Est-ce qu'on peut lui reparler? Mais bien sûr, elle est en ligne. Marie-Christine, vous m'entendez? Oui. Donc les voisins ont-ils des cafards les autres? Ben, il y en a qui avaient dit à ma fille qu'ils en avaient, mais après, ils font rien. Ils se plaignent pas, rien du tout. Donc, voilà. Parce que peut-être ont-ils peur de perdre le logement social. Votre fille élève seule, hein, ses enfants, je crois. Oui, oui. D'accord. Oui. On bouge, Céline, là-bas? Eh bien, toutes les lignes étaient occupées, donc j'ai dû raccrocher. Je suis passée par un second numéro et je suis en attente. On essaie de me passer quelqu'un de la communication. Ça marche, nous sommes à Lille, je le rappelle, avec le bailleur social Partenor Habitat, Office public de l'habitat du Nord. Nous essayons donc d'avancer avec eux. Il faudra peut-être enchaîner sur la mairie de Lille que vous pourriez appeler en parallèle, Hervé. C'est une suggestion que je vous fais, je propose et vous disposez, bien sûr. Vous voulez madame le maire? S'il vous plaît, ou alors son directeur de cabinet. Mais déjà, essayons de voir si nos amis de Partenor nous répondent. Le cas numéro 2 va arriver dans quelques instants après avoir écouté ce petit chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre RTL, vous l'adorez, Stevie Wonder. Ladies and gentlemen, pour Az. Oh. Je le maîtrise bien, le Oh. Round the sun, the earth knows she's revolving. Oh. And the rosebuds know the bloom in early May. Oh. Does hate knows love's the cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. Now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the star in the sky. Always. Until the ocean covers everybody's mind. Always. Until the dawn that floods and buries me at sea. For your joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you. Until the day is night and night becomes a day. Always. Until Wonder. Ah, si nous sommes tous de bonne humeur depuis que nous savons que Kylian Mbappé n'a pas été blessé. La tête qu'a fait le pauvre Rami quand il lui a mis un coup à l'entraînement. Alors Mbappé, je vous le dis, pour Maître Novakovic et Maître Felono qui ne sont pas très au courant des choses du football, c'est la superstar dont on attend des miracles pour ce mondial. Et hier, à l'entraînement, et à un moment donné, il s'est couché, il a quitté l'entraînement. On s'est dit, c'est fini pour lui. Et le pauvre arrière qui lui a donné un coup sans vouloir, il savait, il a donné le coup, il a levé la tête, il a regardé le professeur pour voir s'il allait se faire fâcher. On a dit, mais j'ai pas fait exprès. Mais tout va bien, apparemment. C'est simplement un bleu, donc voilà, on est rassuré, il peut arriver n'importe quoi aujourd'hui. C'était la bonne nouvelle du jour. Où en est-on du côté des cafards? Qu'arrive-t-il à Marie-Christine? Sa fille vit un cauchemar depuis 2013. Les cafards envahissent son logement par milliers. Alors, ils sont dans la nourriture, dans les vêtements, dans les lits et même dans les prises électriques, parce qu'ils sont un peu suicidaires. Ce cas est tellement délicat que même en parlant, Charlotte se gratte. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, vous la voyez, elle se gratte partout en décrivant le cas. Mais bien sûr, nous avançons ou pas? Très très difficilement, c'est-à-dire que j'ai laissé un message sur les personnes en charge de la communication au sein du bailleur social. Là, j'essaie de repasser par le standard, mais malheureusement, je n'ai personne. De votre côté, Hervé, s'il vous plaît. Je suis en ligne avec le service communal d'hygiène et de santé. Ah. On va me passer un responsable. C'est une bonne nouvelle, dès que vous l'avez, petite alerte. Le cas numéro 2, j'accueille donc maintenant Sophie sur l'antenne d'RTL. Sophie, soyez la bienvenue. Bonjour. Sophie, parlez bien fort, expliquez-nous. Alors, le problème de cuisine, on va passer très vite dessus. Vous avez, je crois, payé un acompte de 1 416 € chez un cuisiniste. Il va vous annoncer une livraison pour le 18 avril. Et c'était apparemment important pour vous d'avoir cette cuisine assez rapidement. Et la société va vous appeler et vous dire quoi? Qu'elle ne peut pas respecter le délai, c'est ça? C'est bien ça. Elle m'a dit qu'effectivement, pour le 18, ce n'est plus possible et que ce sera décalé à environ une semaine, 15 jours. Bon. Est-ce que c'était vraiment à ce point important pour vous, ce décalage d'une semaine, 15 jours? Ça ne pouvait plus... On avait un événement qui était prévu, ils avaient été prévenus, donc effectivement, dès le début, la pâte était très très importante. Alors ça, parce que parfois certains disent, oui, les gens voilà, ne sont pas tolérants, mais c'est vrai qu'on a des fois des impératifs, et si on prévient dès le départ le professionnel, Maître Felono, je dois absolument avoir cette cuisine à telle date, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous ne pouvez pas, et qu'il dit, mais bien sûr, madame, après, effectivement, là, on a le droit de dire, je ne veux plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine a été refaite entièrement par un cuisiniste, la commande porte uniquement sur le plan de travail, un plan en pierre. Et elle s'est adressée à un spécialiste des plans de travail. Et visiblement, les cotes qu'elle a fournies n'étaient pas suffisantes. Et le commercial s'est engagé avec une date certaine. Il y a des échanges de mails pour montrer l'importance de la date. Parce qu'elle était sans cuisine. On ne peut pas habiter dans un appartement sans cuisine, bien entendu, avec des enfants, etc. Donc, c'était très important. Et figurez-vous que l'usine n'a trouvé que le dossier était insuffisant. Donc, elle a tout à fait reconnu avec le commercial que c'était plus possible. Et aujourd'hui, on lui a promis verbalement. C'est dommage, mais on lui a promis quand même à plusieurs reprises un remboursement. On a du biscuit quand même, oui, nous verrons ça dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Nous allons les appeler, Sophie, pour essayer d'avoir ce remboursement. Si vous le voulez bien, ça va se passer sur RTL. Je vous laisse aller vous faire un café, une tisane, jambes lourdes, ce que vous voulez. Sophie, nous serons là dans quelques instants, d'accord? À tout à l'heure, Sophie. Voilà, à une petite pensée, bien sûr, à nos amis du service informatique de la SNCF à Saint-Lazare qui est encore pété pour la. T'es sûr qu'il faut appuyer sur Enter? Mais chaque fois que j'appuie sur Enter, ça bloque tous les trains. Arrête d'appuyer sur Enter, on donne chien d'aider. Appuie sur. Mais alors j'étais Escape. Mais non, voilà, pété, voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus de trains qui partiront ce matin. Bon, mais je vais essayer Alt-Sup. On va essayer, puis on verra tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants. Alors, c'est une vision, bien sûr, très imagée de ce qui se passe actuellement au PC. Je suis sûr qu'on n'en est pas loin. Non, c'est pas possible. Mais c'est vrai que, malheureusement, à 2h du matin, ils ont été réveillés en pleine nuit pour aller réparer le service informatique. Mais c'est toujours, je ne sais pas si c'est revenu, ils n'ont toujours pas trouvé la cause pour l'instant. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Avoir la vue qui baisse, ça arrive. Une dent qui se casse, ça arrive. Que votre dos ou votre audition vous joue des tours, ça arrive parfois aussi. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous renonciez aux soins dont vous auriez besoin. Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimez avec deux M, c'est proposer à vos salariés des soins optiques, dentaires, audio et ostéo, sans reste à charge ou à tarif négocié. Malakoff Médéric, on vous aime avec deux M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com. Alors, il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité, bien sûr, construire un balcon et agrandir le salon. Ok. Pour la fin de la semaine, ça ira? Vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99 € par mois. Loyer après apport de 1 450 €, montant hors taxes pour une LLD 24 mois 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier Bianque TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford Lease, Bremany Lease, voir Ford.fr. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Filorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur filorga.com. Et si on parlait de la French Touch Renault? Découvrez Mégane et sa large gamme de nouveaux moteurs essence. Plus de couple, plus d'agrément, mais pas plus de consommation. Couplé à une boîte manuelle ou automatique à 7 vitesses, ils vous emmèneront très loin dans le plaisir de conduire. Rendez-vous aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault reprend votre voiture 4 000 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Mégane. Offre valable du 1er au 30 juin sur toute la gamme Mégane, voire Renault.fr. French Touch, touche française. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec 70% d'économies sur plein de produits, comme par exemple sur les pommes potes maternes. Et en plus, elles sont garanties meilleures promos. Résultat des courses, même mon mari rentre à 4h pour prendre son goûter. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive, avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur des produits de grande marque. Carrefour. 16 fois 90 grammes, différentes variétés, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Vous voyez le type qui rigole avec des gens, là, sur l'aire d'autoroute? C'est Vincent. Il est comme ça, Vincent, il aime les gens. Alors quand il a vu que Vinci Autoroute encourageait le covoiturage avec Blablacar, il a pris l'abonnement télépéage, temps libre, covoiturage, Vinci Autoroute. Depuis, il ne voyage plus jamais seul, Vincent. Et non seulement il passe du bon temps sur la route, mais en plus, son abonnement télépéage ne lui coûte rien quand il covoiture avec Blablacar. Il a tout compris, Vincent. Il réduit les frais et il multiplie les amis. Vinci Autoroute, roulons autrement. Offre soumise à condition. Disponible sur vinciautoroute.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous parlons, Charlotte, du cas de Sophie. Nous allons lancer l'appel tout de suite en direct sur RTL. Elle a versé un acompte de 1 416 € pour un plan de travail qui n'a pas pu être livré à temps. On lui a promis le remboursement. C'était en avril, elle n'a toujours rien. Et nous avons fait le numéro. Ça sonne maintenant chez le cuisiniste. J'essaie d'abord d'avoir peut-être le commercial. Sinon, je taperai auprès du gérant. Mais pour l'instant, ça ne répond pas. C'est la seule personne qui était, c'est son seul contradicteur, c'est le monsieur que nous appelons. Le commercial. C'est le commercial. Il n'a jamais eu ni le gérant, ni personne d'autre. Personne d'autre. Donc au là, poste, nous... 3, 3, 9. Nous faisons le deuxième numéro, s'il vous plaît, Céline, car nous en avons plusieurs. Oh, c'est marrant, parce que je vois le siège de la société. Je suis dans cette rue tous les jours depuis le mois de septembre, une fois par jour. C'est vrai. C'est ce genre de petites informations qui font le succès de cette émission et dont les gens raffolent. Et je vais d'ailleurs préparer un ouvrage dans lequel je vais condenser toutes ces petites phrases que j'ai données qui sont très importantes, que vous pourrez lire à n'importe quel moment. Et vous allez voir, ce sera un best-seller. Vous serez sur la plage, vous verrez les gens en train de lire mes livres. Tiens, un jour, Julien, regarde Simone, avant d'aller te baigner. Mais il y avait un cuisiniste, il avait son siège social dans la rue où il allait travailler tous les jours. Ça tombe au coin. Ah, je vais devenir une star internationale, je serai invité dans les plus grandes émissions. Je meuble parce que personne ne répond. Et non, malheureusement, c'est un répondeur également. Alors, nous n'avions que ces deux. Oui. Alors, on attend un petit peu, ne vous inquiétez pas Sophie. Laissez-nous faire ce qu'il faut avec Hervé Pouchol qui va tenter le coup du père François pour avoir un interlocuteur. Sinon, je sortirai le porte-voix dans quelques instants. En général, vous le savez, hein, tout se passe dans le money time, c'est-à-dire à partir de la fin de la première demi-heure, à partir de 10h. Donc, nous avons lancé deux cas. Dans quelques instants, je vais lancer le troisième, à moins que je l'accueille. Attends, de qui s'agit-il ? Il s'agit de Michel, il a payé 40 000 € pour un camping-car et au bout de quelques mois, soudainement, tous les voyants se sont allumés. Bon, impossible ensuite de redémarrer. Bon, arrêtez Charlotte, vous êtes là Michel ? Il arrive, Michel. Ah bah oui, bah appelez-le parce que là, j'ai l'impression que vous me dites n'importe quoi. Là, je n'y crois pas une seconde. Est-ce qu'il est là maintenant Michel ? Passez-le moi. Il est là Michel. Michel, c'est Julien. Michel, c'est Julien. Ah bonjour messieurs. Bon, bonjour Michel, dis donc Michel, c'est Julien là, elle est en train de me dire Charlotte, qu'est-ce que c'est que cette histoire de camping-car ? 40 000 €? Écoutez, 40 000 €, un camping-car qu'on a acheté en juillet 2016 et il est tombé en panne en août 2017. Vous étiez près de chez... Vous étiez près de chez vous quand il est tombé en panne. Le problème, c'est qu'il y a un décalage. Ouais. Donc, quand on commence une phrase, la personne s'arrête, puis attend que l'autre parte. Est-ce qu'il est tombé en panne quand vous étiez en vacances? Exactement. J'étais parti, mais enfin, en vacances d'ici, je suis retraité. Oui, j'ai 77 ans. Je l'avais acheté pour finir, enfin, pour profiter des derniers jours de la vie. Bien sûr. Et puis voilà, ça fait un an que j'en profite pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit, celui qui vous l'a vendu? Ah ben, il dit rien. Il dit rien parce que il y a eu une expertise contradictoire. Ils ont dit que c'était la responsabilité du vendeur parce que c'était, ça ressemblait à un vice caché. Et puis voilà, c'en est là. Michel, je vais me tourner vers la Noaco, si tu veux bien, pour lui demander sur l'expertise. Est-ce qu'il est stipulé qu'il y a un vice caché ou pas? Absolument, Julien. L'expert dit que la destruction du moteur provient de la rupture du soupape d'échappement sur le cylindre numéro 2, qu'aucun défaut d'entretien ou de conduite n'a été relevé depuis l'achat du véhicule par Monsieur Collignon. Et l'avarie actuelle est assimilable à un vice caché. La responsabilité du vendeur peut être envisagée à ce titre parallèlement à celle du constructeur. Et elle était contradictoire, donc ils étaient là. Exactement, bien. Donc notre auditeur est tout à fait bien fondé à réclamer l'annulation de la vente. Nous allons appeler pour ce troisième cas dans quelques instants. Je précise qu'en plus, il doit payer des frais de gardiennage de 602,82 à ce jour. Alors inutile de vous dire qu'il n'est pas content de Michel, vous l'avez entendu. Donc, trois cas ont été lancés. 1, les cafards. 2, il nous faut avoir le cuisiniste. 3, le vendeur du camping-car. Pour ceux dans l'équipe qui pensaient passer une heure cool entre 10h et 11h, je leur dis c'est raté, c'est pas aujourd'hui. Il y a du boulot, les enfants. A tout de suite sur RTL. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on veut être sûr de faire le bon choix et au meilleur prix. C'est pour cela que les véhicules Peugeot Occasion bénéficient de 100 points de contrôle. Et vous avez 10 jours pour changer d'avis. Alors allez chez Peugeot Occasion en toute sérénité. En ce moment, découvrez une sélection de véhicules garantis 5 ans à moins de 5 euros par jour en location longue durée après un premier loyer de 2000 euros, cumulable avec la prime à la conversion de l'État. Voir conditions en point de vente ou sur occasiondulion.com. Noroto. Question. Pourquoi Noroto propose l'entretien climatisation à seulement 49 euros? Parce que 200 km en mode sauna avec deux enfants à l'arrière, c'est long, hein? Très long. Chez Noroto, l'entretien clim est à 49 euros. Oui, seulement 49 euros. Noroto. Conditions en centre et sur noroto.fr. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalité en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Qui a dit le bonheur vous va si bien? Et le bonheur, c'est d'acheter de plus en plus et de dépenser de moins en moins. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour deux articles, profitez de moins 20%. Trois articles, moins 30. Quatre articles, moins 40. Et cinq articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 13 au 26 juin, sur articles signalés. Conditions, magasin et kiabi.com. Une fille comme elle, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Chloé est une actrice formidable, mais on ne la voit jamais. Sanji est à la tête d'une immense start-up en Inde, mais à New York, il se fait passer pour un garçon d'ascenseur. En apparence, tout les éloigne. Et pourtant, une fille comme elle peut-elle aimer un garçon comme lui? Embarqué dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises où personne n'est celui qu'il a l'air d'être. Une fille comme elle, le grand retour de Marc Lévy à la comédie, le roman de votre été. Un livre aux éditions Robert Laffont Versilio. Déjà en tête des listes des meilleures ventes. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Pour EOVI MCD Mutuelle, je ne suis pas un senior, je suis Didier. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. C'est le moment que j'ai choisi pour partir m'installer dans ma maison de campagne. C'est pour cela que Didier a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui lui offre le choix entre 20 niveaux de garantie et lui fait bénéficier d'un réseau de 230 agences partout en France. EOVI MCD Mutuelle, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr. Vous écoutez la radio de toute la famille, la radio numéro 1, c'est RTL. Nous sommes là, nous, pour régler vos problèmes entre 9h30 et 11h, mais également pour vous informer. Voici les infos. Il est 10h. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Bénédicte Tassard pour les informations. Bonjour Bénédicte. Bonjour et bonjour à tous. Saint-Lazare, la galère pour les usagers de la deuxième gare la plus fréquentée de France va durer encore plusieurs heures. Toujours aucun train, ce serait dû à un problème électrique, Alice Moreno. Oui, une pièce électrique d'un poste d'aiguillage aurait été endommagée. Elle présente un défaut d'isolation. C'est ce qu'a indiqué il y a quelques minutes le patron d'SNCF Réseau, Patrick Jantet. Quant à la cause de la panne, elle reste pour l'instant à déterminer. Est-ce que c'est dû aux intempéries, à un acte de malveillance ou aux travaux engagés sur le réseau? Impossible de le dire à cette heure-ci. En tout cas, le patron de SNCF Réseau pointe du doigt le vieillissement des installations. Les travaux engagés actuellement sont donc absolument nécessaires. Quant à la reprise du trafic en gare Saint-Lazare, elle n'est pas annoncée pour le moment. Une fois que toutes les causes de la panne auront été formellement identifiées, il faudra encore 4 ou 5 heures au moins avant de voir des trains circuler. La gare risque donc d'être paralysée au moins jusqu'à cet après-midi. Merci Alice. Alice Moreno en direct de la gare Saint-Lazare pour RTL. On vous retrouve dans les prochaines éditions d'informations. Difficile de trouver un autre chemin pour les usagers dans Paris. Le RER A est stoppé entre Aubert et La Défense à cause d'un rail cassé. Ça se tend entre la France et l'Italie sur le dossier de l'Aquarius et de l'accueil des migrants. L'ambassadeur de France vient d'arriver au ministère des Affaires étrangères italien à Rome. Il a été convoqué. Rome, qui n'a pas apprécié hier les propos rapportés d'Emmanuel Macron. Au cours du Conseil des ministres, le chef de l'État est revenu sur le refus de l'Italie de faire débarquer 629 migrants sauvés par le bateau humanitaire, dénonçant une part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a invité ses homologues italiens et espagnols à Paris dans les prochains jours pour discuter des questions migratoires. La Bourse de Paris, ce matin, le CAC 40 a ouvert à l'équilibre à plus 0,07%. Les courses, ça se passe à Auteuil aujourd'hui et voici les pronostics de Bernard Glass. Le 2, le 3, le 6, le 4, le 8, le 7, l'As et le 11. La dernière minute, c'est le 11, Bonfou-Derry. Le temps pour cet après-midi, toujours une alerte orange avec de fortes précipitations sur l'ouest de la chaîne des Pyrénées jusqu'au sud des Landes. Ça va se calmer peu à peu au fil de la journée. On surveille aussi les crues dans le nord-ouest et le sud-ouest. Attention sur les gaves d'Oloron et de Pau, l'Adour et l'Arros, prévient Météo France. Les crues se propagent également sur les affluents de la Garonne, du Massif central aux Alpes du Nord et au Jura. Ciel très encombré avec des averses passagères, des pluies plus fortes en revanche des Alpes du Sud à la Corse. Sur le reste du pays, c'est l'accalmie avec un ciel qui va s'éclaircir cet après-midi. Exception pour la Bretagne avec un risque d'onde et les températures en dessous des normales de saison à cause d'un petit vent frais du nord. 18 à 22 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 20 à 24 degrés plus au sud, jusqu'à 27 degrés près de la Méditerranée. 10h et bientôt 4 minutes. Bonne journée à tous sur RTL. Julien Courbet, tout à côté de moi pour la suite de ça. Mais il en a bien profité. Il trouve que c'est un peu court, mais il sait se contenter de petites joies quotidiennes, comme vous avoir à côté. Bénédicte Tassard revient tout à l'heure à 11h pour d'autres infos. Faisons le point sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30, car, chose inhabituelle, 3 cas ont été lancés dans la demi-heure. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et avant de revenir d'ailleurs sur ces 3 cas, je vais vous annoncer du nouveau dans quelques instants avec l'équipe sur le cas de ces 2 derniers mois. Ça devrait arriver dans pas longtemps. Marie-Christine nous a dit ceci. Je vous appelle du Nord. Ma fille vit dans un logement social depuis 2013. Elle vit un cauchemar avec des cafards qui pullulent dans l'appartement. Ils sont tellement nombreux qu'ils entrent dans les prises électriques et font disjoncter le compteur. Elle vit seule avec ses 6 enfants dans ce petit appartement. Elle a des aides, bien sûr, et heureusement. Et il y a une vidéo et des photos sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, assez hallucinante, sur la prolifération de ces cafards. Nous avons essayé d'avoir Partenor Habitat. Où en sommes-nous, s'il vous plaît ? Hervé Pouchol et Céline. Alors, nous avons eu beaucoup, beaucoup de mal pour joindre partenaire à Habitat et avoir un responsable. Mais grâce à un auditeur, on a pu obtenir des numéros magiques qu'on va tester dans quelques minutes. Bravo. J'ai réussi. Je dis bravo aux auditeurs parce que voilà, quand je dis qu'on fait ça ensemble et en famille, c'est exactement, voilà, vous nous appelez, vous essayez de les joindre. J'ai un cousin là-bas, appelez-le de ma part et hop, ça nous permet de gagner du temps. Vous m'avez proposé d'appeler la mairie de Lille. Le directeur du service communal d'hygiène et de santé est en réunion. Il doit nous rappeler. Et on attend également le rappel du directeur de cabinet de monsieur le préfet de la préfecture de Lille qui devrait rappeler d'ici quelques minutes. C'est souvent, il devrait rappeler avec vous, j'ai remarqué. Mais c'est aussi souvent, il ne rappelle jamais. Mais oui, bon, ça, c'est vrai. Attendez, il n'est que 10h05. De votre côté, Céline. Eh bien, moi, j'étais sur le bailleur social. J'ai laissé mon numéro de téléphone à toutes les personnes que j'ai eues en contact et j'attends donc d'être rappelé. La même chose qu'Hervé, malheureusement. Bon, ami de Partenor, il nous faut régler ce problème et je sais que vous êtes suffisamment professionnel pour le régler, même si votre métier n'est pas facile. Vous savez, les logements sociaux sans demande, 10 appartements, malheureusement, pas de fonds pour rénover parce que ce n'est pas le gérant des offices qui va sortir l'argent lui-même. Il faut de l'argent pour cela, il n'y en a pas, donc c'est compliqué, on le sait. Mais là, il y a une situation d'urgence. C'est pour ça que nous disons à nos amis de Partenor. Les gens du Nord ont des cafards, comment-ils, qui m'en ont la salle des mains. Chez Partenor, on laisse pas les cafards. D'embader partout, on en saura plus dans quelques instants. Le cas numéro 2, s'il vous plaît, Charlotte. J'en profite pour vous dire bonjour, Charlotte. Oui, bonjour Julien, ça va ? Je vous présente. Allez-y. On va parler du cas de Sophie. Fin mars, elle a commandé un plan de travail. La date de livraison était très importante pour elle. Elle l'avait spécifiée dès le début. Et cette date n'a pas pu être respectée, donc elle attend le remboursement de son acompte. Et alors, du côté du cuisiniste, est-ce que ça répond toujours pas ? Non, pas de nouvelles, on a essayé même pendant les infos. Personne ne nous répond. J'attends encore un petit peu qu'Hervé nous sorte le coup du père François pour essayer d'avoir le commercial qui est le seul interlocuteur de Sophie, et puis on sortira le porte-voix. Ils sont certainement en intervention. Hervé, c'est à vous. C'est parti. Tentez de me faire le coup du père François. Troisième cas, il a été lancé il y a quelques instants. Écoutez l'accent de Michel, parce que Michel, il n'est pas content, il l'a mauvaise. Je vous appelle des Charentes-Maritimes. Alors. J'ai acheté un camping-car que j'ai payé quand même 40 000 euros. Et quelques mois plus tard, tous les voyants du tableau de bord se sont allumés et le moteur s'est arrêté. Depuis, une expertise met en cause le vendeur professionnel et le constructeur. Il y en a quand même pour plus de 15 000 euros de réparation. Donc, Maître Novakovic, avant de lancer l'appel, les tenants et les aboutissants, ce dossier tient bien la route pour Michel ? Ah oui, tout à fait, en ce sens que nous disposons d'une expertise qui a bien précisé, qui est en plus contradictoire, qui a bien précisé qu'il y a vice caché et en conséquence, il est bien fondé à demander l'annulation de sa vente. L'appel est lancé dans quelques instants sur RTL, la seule radio qui chaque matin aide ses auditeurs. C'est la moindre des choses, vous nous êtes fidèles, alors nous, chaque matin, on tente de régler vos problèmes. Appelez-nous à n'importe quel moment sur le 3210 ou sur le Facebook. La poche, elle peut vous arriver. A tout de suite pour l'appel. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia, oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Belle matinée sur RTL. Conforama, le confort pour tous. Pendant les ventes privées Conforama, avec la carte Confo Plus, on vous réserve jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Ça donne envie d'avoir la carte. Alors demandez la vite et profitez-en dès maintenant. Conforama, jusqu'au 25 juin, conditions en magasin et sur conforama.fr. Non, pour moi tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8 900 euros, avec climatisation, radio CD Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là j'ai pas cru quoi, donc l'offre allait passer. Et là c'est là que ça a basculé, j'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade quoi. Des quoi? Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8 900 euros. C'est ça, 8 900 euros. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Si vous pensez qu'un plat du pied est une malformation, qu'un ciseau est fait pour couper, qu'un petit pont sert à traverser une petite rivière et qu'une panenka est un dessert grec, alors le guide France Football n'est clairement pas fait pour vous. Non, non. Pour bien parler foot, il faut bien lire foot. France Football sort le guide indispensable pour tout savoir sur la Coupe du Monde. France Football, spécial guide Coupe du Monde, en vente actuellement. Les copains qui débarquent. Les bâtonnets de mozzarella qui croustillent. Les mini cheeseburgers. Je ne sais pas vous, mais moi l'apéro, c'est le moment que je préfère. Jusqu'au 1er juillet chez Picard, le troisième produit est offert avec la carte Picard et moi sur une sélection de produits apéritifs. Picard, chaque jour un goût nouveau. Voir conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec 70% d'économies sur plein de produits, comme par exemple sur les pommes potes maternes. Et en plus, elles sont garanties meilleures promos. Résultat des courses, même mon mari rentre à 4h pour prendre son goûter. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive, avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur des produits de grande marque. Carrefour. 16 fois 90 grammes, différentes variétés, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Il y a failli avoir une alerte, dis donc, sur le cas des cafards. Oui, Marie-Christine, imaginez vous réveiller avec des cafards sous votre nez dans votre petit déjeuner, dans les céréales de vos enfants. Eh bien, c'est ce qu'il arrive à la fille de Marie-Christine et c'est un enfer. Je vais vous dire, moi déjà, je me réveille avec ma femme sous le nez. Alors si en plus, il va y avoir les cafards, ça ferait beaucoup. Céline, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a une fausse joie parce que j'ai cru être en ligne avec le bailleur social de notre auditrice. Le problème, c'est quand je lui ai parlé de cafards, elle m'a raccroché au nez. Ah, très bien. Ben oui, ben alors, la prochaine fois, parlez-lui de gazelles. Il y a des gazelles dans l'appartement d'une de vos locataires. On va bien voir s'il y a des animaux pour lesquels elle raccroche et d'autres pour lesquels elle ne raccroche pas. Nous allons donc lancer l'appel pour le camping-car. Un gros cas, parce que 40 000 euros, quand vous êtes à la retraite, souvent, ce sont des gens, et je suis sûr que c'est son cas, qui économisent toute leur vie en se disant, ben voilà, à ma retraite, je vais me payer un camping-car. 40 000 euros, c'est une énorme somme. Et puis, j'irai profiter de toutes ces années pour prendre du bon temps. Il tombe en panne à peine quelques semaines après. Et là, maintenant, il est obligé de payer des frais de parking. Et il y a une expertise, pourtant, qui est contradictoire et qui dit qu'il y a un vrai problème et peut-être même un Elvis caché, Maître Novakovic. Comme vous dites. C'est ce que vous nous avez dit. Alors, dans une seconde, on va lancer l'appel. Mais là, j'aimerais que l'on écoute Indochine. Ils sont toujours là. Ils n'ont jamais quitté la scène. Et ils cartonnent. Triple disque de platine. C'est peut-être le groupe qui vend le plus. Indochine, avec ce nouveau titre, ça s'appelle Station 13. Et bien sûr, c'est un des préférés d'RTL. maître Novakovic. Peut-être que je ne suis pas riche, mais je t'aime, reviens à la maison. Tu verras, je ne ferai plus le con. Ah, voilà. J'essaie d'improviser, mais je crois que je pourrais faire un bon Indochine. Là, c'est sorti comme ça. Nous avons des choses importantes à faire. Certes, il y a un peu de gaudriole, ça ne nuit pas, mais je voudrais que la gaudriole laisse place au sérieux. Pouvez-vous, Charlotte, s'il vous plaît, pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, rappeler le problème de camping car de Michel? Oui, Michel s'est offert un camping-car pour ses vieux jours, c'était son rêve, et au bout de quelques mois, il est tombé en panne. Coût des travaux estimé 15 977 euros. Bon, et j'apprends à l'instant, sur texto, qui vient d'arriver, mais vraiment à l'instant, que ce sont les journées privilèges chez Sandro, moins 50% sur une sélection d'articles dans les boutiques Corner Outlet. Très bien, parfait, mais j'ai autre chose à faire. Nous appelons maintenant, si vous le voulez bien, le vendeur de camping-car pour qu'il ait... qui nous donne sa version des faits. Bonjour et bienvenue chez Hippocamp COCV à Rochefort. Oh. Tapez 1 pour obtenir un conseiller commercial. Alors Hippo, c'est YPO, hein, c'est un jeu de mots. C'est vrai, ça s'écrit YPO plus loin de Camp, C-A-M-P. Service commercial, Jules, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. J'espère ne pas trop vous déranger, je suis avec un client à vous, Michel Collignon, qui nous raconte la mésaventure qu'il a eue en achetant ce camping-car 40 000 euros. Alors est-ce que peut-être Madame Edouard est là? Voilà. Allô? Hippocampe? Ben, il a posé l'appareil, monsieur, il court actuellement. Il est dans la région de Rochefort. Là, au moment où nous parlons, il vient de quitter Rochefort, il a pris une départementale. Il court à travers les champs, il se cache, il creuse un trou, me dit-on. Il est actuellement à moins 20 mètres sous terre, où il a fait un embris atiatomé. Alors, c'est incroyable quand même que les gens ne vous disent même pas « ne quittez pas monsieur, je vais voir » ou quelque chose, rien du tout. Donc il est toujours en ligne apparemment? Oui, il était là. Bon, alors nous attendons quelques instants, Michel, que ce monsieur se remette de ses émotions. Oui. Voilà, et il devrait revenir d'une seconde à l'autre. Peut-être pouvez-vous essayer sur une autre ligne en parallèle. On va tenter le coup, Céline, pour que voir si quelqu'un d'autre peut répondre. Mais c'est quand même dur, vous savez, ce métier. Hein. Les gens vous posent l'appareil et s'en vont. Ils vous laissent là tout seul avec Maître Novakovic, Maître Fulon. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte, moi, pendant ce temps-là, si personne ne me parle? Je vais quand même pas raconter ma vie. Vous avez essayé une nouvelle fois le numéro? Eh oui, ça sonne, on attend d'avoir quelqu'un. Bon, alors on attend. Hippocampe devrait revenir d'une seconde à l'autre, Michel. Maintenant, j'aimerais un mot de Maître Fellonneau. Oui, dans votre exposé, Julien, je tiens à faire une rectification, car vous avez dit quelques semaines, juste quelques semaines après l'achat. Non, c'est plus de 6 mois, en fait, et c'est très important, car il faut rappeler à tout à chacun que lorsqu'on achète un bien d'occasion, la garantie de conformité qui vous dispense de prouver le défaut caché, eh bien, ça a un délai. Et là, après 6 mois, c'est terminé. Il faut faire l'expertise. Oui, Céline. Eh bien, nous sommes de nouveau avec Hippocampe sur une deuxième ligne. Bonjour Hippocampe. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je viens d'appeler Hippocampe il y a quelques instants, un monsieur m'a répondu, j'ai eu le temps à peine de me présenter, il a posé l'appareil, il est parti. C'est pour ça que j'ai appelé sur une autre ligne. Donc nous sommes à la radio et j'essaie d'aider un auditeur et de comprendre son problème qui s'appelle Michel Collignon. Et j'ai demandé si éventuellement Madame Edouard, Florence était là quand la personne est partie de chez Hippocampe qui avait le téléphone en main et ne m'a plus jamais répondu. D'accord, patientez monsieur Courbet, je vais tâcher de voir si madame Edouard est disponible. Avec plaisir, sinon peut-être un chef d'atelier, enfin quelqu'un qui peut régler ce problème puisqu'il a acheté un camping-car 40 000 euros. Tenez, je vous fais écouter ce qu'il nous a dit, comme ça, nous on veut juste essayer de comprendre, hein. Mais comme il y a quand même des expertises apparemment, écoutez. Je vous appelle des Charentes-Maritimes. J'ai acheté un camping-car que j'ai payé quand même 40 000 euros. Et quelques mois plus tard, tous les voyants du tableau de bord se sont allumés et le moteur s'est arrêté. Depuis, une expertise met en cause le vendeur professionnel et le constructeur. Il y en a quand même pour plus de 15 000 euros de réparation. Voilà. Vous essayez de me trouver quelqu'un. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil à vous. Vraiment, j'apprécie. À tout à l'heure. Je patiente. D'accord, bon, c'est-à-dire que contractuellement, chez Hippocampe, ils n'ont le droit de dire que 2 phrases. Après, ils sont obligés de se taire jusqu'au lendemain. Donc il faut faire très très vite dès la première phrase. Il s'est marqué, l'employé devrait être à 8h à son poste de travail. Mais attention, il ne pourra prononcer que 2 phrases au téléphone. À vous de bien choisir vos mots. Point info sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30 dans cette émission qui est bénie des dieux, il faut le dire. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Alors, Marie-Christine. Le logement de sa fille est envahi par les cafards au point qu'ils pénètrent dans les prises électriques et qu'ils font disjoncter le courant. Rappelons que la fille de Marie-Christine élève seule ses 6 enfants. Toujours personne du côté de Partenord. Eh bien, si. Si, je suis en ligne avec l'assistant de direction du directeur.

Oh, mais écoutez, ça fait plusieurs mois, c'est Madame Collignon, parce que Michel a un examen à passer, il vient de partir. Ah, pardon, alors, excusez-moi, je ne comprenais pas, je me disais, tiens, nous avons été piratés peut-être. Daniel, moi, alors, l'épouse. Les dernières nouvelles que vous avez eues de Hippocampe remontent à quand, s'il vous plaît? Oui, écoutez, tout au début de l'affaire, donc, l'année dernière. Bon, donc maintenant, on ne vous a pas appelé récemment pour vous dire c'est en cours, Non, non, non. Bien. Alors, on va rappeler quand même au magasin Hippocampe qui vend des camping-cars qu'à un moment donné, il y a un client et que ce client, il faut bien trouver une solution. Alors la solution, ce n'est pas forcément celle qu'RTL préconise. Je voudrais que vous relisiez, s'il vous plaît, Maître Novakovic, sur l'antenne d'RTL, ce que dit l'expert. Et l'expertise était contradictoire. Il y avait le vendeur de camping-cars Hippocampe de Rochefort et il y avait Michel qui a mis ses économies dans ce camping-car. Alors, l'expert a convoqué les parties. Et d'ailleurs, je tiens à préciser quand même que la protection juridique de notre auditeur a bien effectivement mis en demeure cette société de faire nécessaire et l'a menacé effectivement de saisir le tribunal. Et le rapport d'expertise évoque un vice caché. Les conclusions précisent expressément que l'avarie actuelle est assimilable à un vice caché et l'expert indique que la responsabilité du vendeur peut être envisagée à ce titre parallèlement à celle du constructeur. Alors, peut-être que Mme Edouard, après, ne sera pas contente parce qu'elle va dire vous avez parlé de moi sur RTL pour mon entreprise. On lui donne l'occasion rêvée justement de passer sur l'antenne et de dire voilà ce que nous allons faire, je vais faire ça, je vais appeler ça, ou alors monsieur vous vous trompez car nous sommes des gens sérieux et je vous prouve que Michel dit n'importe quoi. Mais si on ne dit rien, c'est trop facile. Donc on a un problème, on achète un camping-car 40 000 euros, il tombe en panne au bout de quelques semaines, il y a une expertise qui dit qu'il y a un vice caché, et puis ça date de quand d'ailleurs la panne? De juillet 2016 ou de août 2016, et un an après, on va considérer qu'on est presque au mois d'août, c'est en cours. Non, ça peut pas se passer comme ça. J'aimerais tellement, moi, acheter un camping-car, partir avec et ne pas le payer, avoir le concessionnaire qui m'appelle en me disant « Mais vous comptez payer quand ?» C'est en cours. Ça fait un an. Vous le savez que c'est pas possible. Vous partez pas si vous n'avez pas payé. Il faut que ça soit la même chose dans l'autre sens. Donc, madame, je vous en prie, madame de Hippocampe, Florence Edouard, de Rochefort, expliquez-nous ce qui se passe parce que vos futurs clients ont besoin de savoir que vous êtes des gens sérieux. Oui, et je tiens également à préciser que la dirigeante, donc, de ce garage a adressé, avant ce rapport d'expertise, une mise en demeure, donc, à notre auditeur et à sa femme pour lui rappeler que lors de la souscription de son bon de commande, il avait renoncé au crédit Financo. Et avait procédé à un paiement comptant. Modifiant ainsi vos garanties, vous avez donc bénéficié d'une garantie de un an démarrant le 1er juillet 2016, date de votre livraison, et est valable jusqu'au 1er juillet 2017. Celle-ci est arrivée à expiration. Donc quelque part, il y a une espèce d'état d'esprit en disant, écoutez, c'était sous garantie, ça n'est plus maintenant, donc allez vous faire voir. On ressent ça. Il y a le vice caché, il y a l'expert qui était là, et j'aurais bien aimé savoir ce que Madame Florence Edouard d'Hippocampe a à nous dire sur le rapport d'expertise. Rapidement. Alors, donc, moi je pense qu'on pourrait appeler un personnage dans cette affaire pour voir le « en cours » dont on nous parle, car il est évident que la position de l'assureur du garage est importante. Ouais. Il y avait un expert missionné, on ne sait pas pour quelle compagnie, mais on pourrait peut-être l'appeler pour savoir où on en est. On va essayer en antenne d'avoir l'expert, et puis dans un deuxième temps, on va appeler aussi le constructeur, puisqu'apparemment, il est également nommé, Maître Novakovic. Absolument, il est également évoqué par l'expert, et pour terminer par rapport à la gérante, elle précisait également qu'elle souhaitait quand même être en possession du rapport du garagiste, et elle indiquait qu'elle souhaitait connaître la panne exacte, parce que ça obligeait le changement du moteur pour 10 449 euros, mais elle estimait peut-être qu'une réparation pouvait être envisageable. Alors, au moins qu'elle donne une réponse là-dessus. Bien, nous allons nous retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Vous m'appelez hors antenne l'expert, et puis nous allons appeler, nous, le constructeur. Allez, Hazard, qui est d'origine italienne, nous allons appeler nos amis des Fiat pour leur parler, les camp-cars, la lumière. Bref, ça va se passer comme ça, je répète un petit peu mon discours, mais je serai au point dans quelques instants. Madame Florence Edouard d'Hippocampe est prioritaire pour nous parler sur l'antenne d'RTL. Sinon, on y revient demain, et puis on va revenir lundi, puis on va revenir mercredi, mais il faut vraiment... Elle n'est pas obligée de nous appeler, je lui dis, si elle nous écoute, et je suis sûr qu'elle nous écoute, qu'elle appelle son client et qu'elle lui dise, monsieur, vous m'avez fait l'honneur de me donner 40 000 euros, vous avez un camping-car en panne, il y a une expertise qui dit qu'il y a des vis cachés, voilà ce que je compte faire. En cours, ça ne veut rien dire. Sinon, à chaque fois qu'on va devoir de l'argent à un commerçant, quand on ira acheter un camping-car, on ne paiera pas et on dira c'est en cours au bout d'un an. Voilà, il faut que ça soit des deux côtés. Et puis évitons un procès loin du tout. Bien sûr, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. À 11h sur RTL. À la bonne heure, à l'abordage. Avec Stéphane Bern. Et l'écrivain et navigateur Yann Kefelec qui publie le dictionnaire amoureux de la mer chez Plon, sans oublier mon équipage du mercredi. Plutôt des marins d'eau douce, Patrice Carmouze, Marc Giraud, Éric Dussard et Régis Maillot. À la bonne heure, à partir de 11h sur RTL. À tout à l'heure, 11h avec Yann Kefelec. Cécile. Oui, Sébastien. Puis-je te susurrer quelque chose à l'oreille maintenant? C'est perso? Ultra perso. Ce sont les jours C'est maintenant chez Citroën. Et nouveau Citroën C3 Aircross ultra personnalisable est à un prix sans sas. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter? C'est ça. Pendant les jours C'est maintenant, nouveau SUV Citroën C3 Aircross avec 90 combinaisons de personnalisation est à partir de 159 euros par mois. Entretien et garantie 3 ans. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. LLD 36 mois 30 000 km, premier loyer de 2 200 euros réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Allô patron ? Parle plus bas, alors. Sur Little Voyage, pour 8 jours 7 nuits, il y a soit un séjour en hôtel 4 étoiles en Sicile, soit un circuit en Italie. Votre femme sera ravie. Je pars seul, mais pas un mot, hein. Omerta totale, hein, compris ? Ah si, ah, mais je suis mal. LidlVoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Séjour 8 jours 7 nuits tout inclus en hôtel 4 étoiles à partir de 599 euros par personne. Circuit 8 jours 7 nuits en pension complète selon programme à partir de 1049 euros par personne. Offre valable du 12 au 18 juin sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-Voyage.fr. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Aujourd'hui, j'ai proposé les nouveaux pneus Michelin Primacy 4 à Monsieur Semper. La nouvelle sculpture évacue encore plus d'eau et garantit une adhérence exceptionnelle sur sol mouillé. Et neuf comme usé, jusqu'au témoin d'usure. Ouais, et je lui ai d'ailleurs recommandé un réglage de sa géométrie qu'il s'est offert grâce à la promotion. Ah ben, on va pas le revoir d'aussitôt. C'est pas faux. Jusqu'au 30 juin, chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 80 euros pour l'achat de pneus Michelin été ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr, mention légale sur michelin.fr. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalité en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si Accordiac jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, j'attends de la part d'Hervé, de Charlotte, de Céline des nouvelles sur les trois premiers cas. On pourrait peut-être avoir tout à l'heure le cuisiniste, Charlotte. Oui, tout à fait, on l'a testé hors antenne, on devrait peut-être l'avoir bientôt. Eh bien, je vous propose de me préparer ça. D'aller à pas de velours vers le téléphone qu'il ne vous voit pas appeler. Et là, vous allez me faire le numéro du cuisiniste. Et à ce moment-là, nous lui expliquerons qu'il avait promis de rembourser sa cliente parce qu'il n'a pas livré dans les délais. Ne vous inquiétez pas, ma petite dame. Parce qu'en général, un cuisiniste, quand il veut faire passer la pilule, dit toujours « ma petite dame ». On va vous rembourser, mais il ne le fait pas. Alors, dans une seconde, on lui chantera en anglais l'hymne de la cuisine que voici. Je traduis au fur et à mesure. Si je ne peux pas te rembourser, si le plan de cuisine a été mal calculé, on est emmerdé pour la haute parce que Dédé pourra pas la livrer avant mardi. Slide of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. And I'm waiting for you. Teresa Without Hervé Pouchol, car il y aurait une alerte. Je le vois se précipiter avec son téléphone personnel. Il aurait sur une autre ligne pu avoir quelqu'un. De quel cas s'agit-il, s'il vous plaît, Hervé? Le cas de Sophie. Le cas de Sophie. Sophie, c'est la cuisine. Elle attend un remboursement de 1 416 € du cuisiniste qui n'a pas pu lui livrer son plan de travail. Qui est en ligne avec nous, Hervé? Alors, le cuisiniste. C'est parfait. Bonjour, monsieur. Allô, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Navré de vous déranger, rien de grave. Rassurez-vous, je suis avec une dame, Sophie, qui vous a commandé une cuisine. Et puis, il y a eu Maître Fellonneau, un retard. Le plan de travail uniquement, Pierre. La livraison était conditionnée. Enfin, la commande était conditionnée à une livraison le 18 avril. Et vous aviez confirmé cette. Oui. Et monsieur. Et vous attendez? Vous attendez donc le remboursement? Exactement, voilà, de la elle compte. L'attend, oui. D'accord, alors malheureusement, là vous êtes à l'agence commerciale, il faudrait juste qu'on puisse prendre contact avec la partie comptabilité pour voir effectivement où ça en est. Vous avez fait, c'est une demande de quand le remboursement? Ah, mais dès le lendemain, dès le 29, monsieur, parce que cette commande, vous avez dit, je pourrais pas tout de suite, vous avez dit, l'usine me dit qu'ils ne peuvent pas tenir le 18 avril et ça a été annulé le 29. Quelle date vous m'avez dit, madame? 29 mars. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous n'êtes pas remboursé. Non, sinon on vous appellerait sinon, pas. Sinon, oui, on vous dérangerait pas, monsieur. D'accord. Moi, je ne sais pas. Alors là, franchement, là, vous me la prenez. Alors, écoutez, il y a quelqu'un qui est au courant du dossier, c'est Florian Palmachi. D'accord. Voilà, lui, il est parfaitement au courant. C'est lui qui a dit, on va vous. Alors, est-ce qu'il y a monsieur Laurent Mercier, peut-être, dans vos locaux? Alors, non, je suis tout seul. Malheureusement, moi, je suis un des commerciaux. Je suis tout seul. D'accord. Je suis Benoît Louis. Très bien. Je suis tout seul à la boutique pour le moment. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro, peut-être? Connaissance de tout ça. D'accord. Florian va arriver dans la journée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et monsieur Laurent Mercier, qui est le directeur de l'entreprise, malheureusement, n'est pas à l'agence commerciale. Il est au siège de l'entreprise à Boulogne. Eh ben, on peut peut-être appeler au siège pour l'avoir. Il n'y a pas de numéro au siège? Il faudrait tenter. Alors, vous pouvez me donner hors antenne le numéro, s'il vous plaît? Alors, le souci, c'est que directement au siège, c'est le numéro de portable qu'il faut prendre. D'accord. Qui est sur le site internet, je l'ai pas en tête là. Alors, faisons plus facilement, monsieur. Hors antenne, je vais vous donner le nom de la cliente. Vous appelez ou Florian Palmachi ou Laurent Mercier. Si vous pouvez m'avoir du nouveau. Mais en fait, il n'y a pas de discussion. On lui a dit clairement, vous allez être remboursé. Donc voilà. Et sinon, on revient demain sur l'antenne d'RTL et vous nous dites d'ici là ce qu'il en est du remboursement. D'accord? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler dans ce cas, entre ce soir et demain, qu'on fasse le point? Écoutez, moi je veux bien vous rappeler, il n'y a pas de souci. Mais là, vous essayez d'avoir ou Laurent Mercier ou Florian Palmachi? Oui, ça sera. Alors moi je ne vous cache pas que Florian Palmachi, qui est à mon même niveau de responsabilité, malheureusement on n'a pas les finances dans les mains. Monsieur, écoutez-moi, je vais vous redire, là on peut parler 10 heures. Je vous demande juste de parler à quelqu'un, de lui dire, il y a RTL qui nous a appelé pour le remboursement de cette dette. Et on se reparle, ça marche, on fait tout ça. Tout à fait. Vous récupérez l'appel pour que ce monsieur très sympa d'ailleurs puisse en parler à Laurent Mercier, qui est le responsable de Netovia. C'est le cuisiniste qui a fait ça. Merci monsieur, comme ça on peut se parler tout à l'heure. Allez-y Hervé, bravo. Bon, alors, sur la cuisine, on a bien avancé. Où en est-on, s'il vous plaît? Sur le cas des cafards, pouvez-vous, Charlotte, rappeler que cette histoire de cafards est prioritaire? Une mère et ses 6 enfants. Et oui, puisque c'est la fille de Marie-Christine, dont le logement est envahi par les cafards. Il y en a absolument partout et le bailleur social ne fait rien. Une vidéo est en ligne sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, avec Partenor Habitat. Où en sommes-nous, s'il vous plaît, Céline? Eh bien, nous sommes en lien donc avec ce bailleur social, notamment avec le directeur de la communication. Hervé lui a parlé tout à l'heure, nous attendons qu'il nous rappelle. Ça marche, et puis il y a le troisième cas, le camping-car, où malheureusement, on rappelle d'ailleurs le principe du camping-car, le problème. Oui, il a payé 40 000 euros ce camping-car qui ne démarre plus alors qu'il devait servir pour ses vieux jours pour se balader un peu partout en France. Et il y a eu une expertise contradictoire et qui dit qu'il y aurait vice caché. Nous avons appelé Hippocampe et nous avons eu à un moment donné Florence Edouard qui a dit « je ne parle pas ». Alors qu'elle ne nous parle pas ne me pose aucun problème, mais qu'elle parle au moins à son client. On est-on, s'il vous plaît? Eh bien, je vous propose d'appeler éventuellement le siège d'Hippocampe. Ah, il y a un siège? Oui, tout à fait. Oh, mais nous allons le faire dans quelques instants. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Il faut aussi qu'on appelle Fiat, puisqu'ils sont apparemment mis en cause. Et on pressent que Hippocampe dise, moi, c'est pas à moi de payer, c'est à Fiat. Et que Fiat dit, non, c'est pas à nous. Oui, mais c'est pas le problème c'est de notre auditeur. Oui, vous avez raison. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut appeler tout le monde. Ça se passe dans une seconde sur RTL. A tout de suite dans le 9h30, 11h. RTL. Alexandre, client Netatmo. Quand on est médecin, les imprévus, ça fait partie du métier. Mais pour assurer la sécurité de ma maison, pas question d'improviser. J'ai choisi sans hésiter la caméra Welcome de Netatmo pour veiller sur ma famille quand je suis absent. La caméra reconnaît les visages et je reçois seulement les alertes qui m'intéressent. La babysitter qui rentre avec les enfants, un inconnu, ma femme. Non, je la surveille pas. On sait jamais si elle voulait m'organiser une surprise. Comme Alexandre, choisissez Netatmo. Des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Belle matinée sur RTL. Vous avez un problème ? La Banque Postale a la solution. Cet été, on part dans le sud. Mais j'ai un peu peur que ma vieille voiture... Alors je suis allé voir la Banque Postale et là... La solution. Avec le prêt personnel auto de la Banque Postale, j'ai pu m'acheter une nouvelle voiture sans apport et emmener toute la tribu profiter des... Le dernier dans l'eau est une poule mouillée. Renseignements en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros la minute, plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Offre réservée aux particuliers. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Mercedes-Benz. Bon, je vais y aller. Ça t'a plu ? Oui, c'était bien. Ça te dirait qu'on se revoie ? Pour un verre ? Un dîner ? Pour se marier ? Hein ? Arrête, t'es bête. Non, je suis très sérieux. Pourquoi attendre ? L'engagement ne vous fera plus peur. Avec Mercedes-Benz Flex, l'allocation longue durée devient totalement flexible. Choisissez une Mercedes en juin 2018 auprès de Mercedes-Benz Financement et vous pourrez en changer dès 2019. Découvrez nos offres chez votre distributeur lors des rendez-vous décisifs les 16 et 17 juin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Ouverture selon autorisation préfectorale. L'Antarctique, c'est le livre de Mike Horn. Traverser l'Antarctique, c'était son rêve, la plus impossible des aventures. 5100 km en 57 jours, seul par des températures glaciales. L'Antarctique, de Mike Horn, le plus grand aventurier d'aujourd'hui. Un récit exceptionnel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Les copains qui débarquent, les bâtonnets de mozzarella qui croustillent, les mini cheeseburgers. Je ne sais pas vous, mais moi l'apéro, c'est le moment que je préfère. Jusqu'au 1er juillet chez Picard, le troisième produit est offert avec la carte Picard et moi sur une sélection de produits apéritifs. Picard, chaque jour un goût nouveau. Voir conditions en magasin sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est d'acheter de plus en plus et de dépenser de moins en moins. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour deux articles, profitez de moins 20%. Trois articles, moins 30. Quatre articles, moins 40. Et cinq articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 13 au 26 juin, sur articles signalés. Conditions, magasin et kiabi.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Dans le dernier quart d'heure qui est le Money Time, sur les trois cas, nous devrions avoir des nouveaux. Mais là, nous allons passer au feuilleton quotidien. Vous le savez, chaque jour, nous revenons sur les dossiers qui bloquent. Et là, enfin, peut-être une grande nouvelle. Vous êtes passé dans Ça peut vous arriver. RTL. On ne vous lâche pas. La preuve, on revient sur votre cas. C'est le feuilleton de ces dernières semaines, Charlotte. Oui, alors on commence avec Mehdi. C'est un petit peu un comique de répétition. Il avait reçu un moteur de la mauvaise marque. Alors on avait contacté la société qui avait promis de le livrer lundi. Puis mardi, puis mercredi. Nous sommes mercredi. A-t-il été livré ? Suspense. Nous l'avons en ligne. Mehdi, dernier appel hier. Où en est-on, s'il vous plaît ? Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc, ce matin, j'ai bien reçu mon moteur. Génial. Ah. Est-ce qu'il correspond ? Est-ce que c'est le bon moteur ? Puisque je rappelle que vous aviez commandé un moteur de BMW, vous étiez retrouvé avec un moteur de Land Rover. Est-ce bien un moteur de BMW ? Bah écoutez, d'après ce que j'ai vu sur la palette et par rapport à ce qui est marqué sur l'étiquette du moteur, c'est bien le bon moteur du X5 E70 M57. Il a l'air d'être en bon état. De visu comme ça, il est en bon état. Après, bon. En état de marche, je sais pas, parce que on peut pas le savoir. Donc, on verra au moment qu'on va le monter dans la voiture. Et du coup, qu'avez-vous fait du moteur de Range Rover ? Le livreur polonais est reparti avec. C'est super. Écoutez, bravo. Voilà, moi, je n'ai qu'une envie, c'est que les choses se terminent bien. Donc, je dis bravo à General Group Motor. Bravo à Monsieur Aziz Zanani. Ça traînait. Il a été un peu embêté qu'on le rappelle et qu'on le re-rappelle. Mais c'était pour faire bouger les choses. Elles ont bougé. C'est bon. On est tous rassurés. Donc, merci à Aziz Zanani. Néanmoins, je rappelle qu'il y a toujours François Culati qui lui a acheté lui aussi un BMW X5, un moteur, le 24 mai au prix de 3 400 €, et lui n'a toujours pas été livré. Donc, monsieur Zanani, merci de faire en sorte qu'il soit livré dans les délais qui sont prévus. Eh bien, tant mieux, Mehdi, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec ce moteur. Montez en lampe, il fera un effet bœuf dans votre salon. Écoutez, moi, je vous remercie pour le travail que vous avez effectué. Sans vous, je pense que j'aurais pas réussi à avoir ce moteur, donc merci à vous. À très bientôt, Mehdi. Merci aux équipes, bien sûr, et merci encore une fois à monsieur Zanani d'avoir dialogué avec nous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, vous voyez. Monsieur Zanani, on s'est un peu on n'était pas forcément d'accord, mais en attendant, il y a une solution. J'aimerais qu'il y ait cette même envie de communiquer avec nos amis d'Hippocamp et du camping-car Florence-Édouard, mais de toute façon, nous y reviendrons demain, qui, je vous le rappelle, a vendu un camping-car 40 000 €, qui tombe en panne une semaine ou deux semaines après, peu importe, mais surtout, il y a une expertise contradictoire qui dit qu'il y a vice caché. Donc, vous essayez comme prévu d'avoir la marque italienne. Alors oui, là j'allais passer l'appel pour la marque italienne et juste avant j'ai appelé le siège de Hippocamp. Le directeur commercial en charge du dossier est absent jusqu'à vendredi. Il nous recontactera vendredi. D'accord, donc vendredi nous revenons sur ce dossier en direct, le dossier Hippocamp. Si Madame Florence Édouard, d'ici là, la gérante de l'agence Rochefort, veut appeler directement Michel ou nous appeler, elle est la bienvenue. Dans une seconde sur l'antenne d'RTL, ça sera l'arnaque en temps réel. Mais là, ce sont les jours heureux. Ce sont The Good Times, avec ce titre-là, éternel, du groupe Chic, 1979. Inutile de vous dire que si vous avez un pépin cet été, eh bien, on repart, hein, fin août, c'est reparti pour une saison, donc vous n'hésitez pas, notez bien, prenez des photos, et début septembre, dès qu'on va démarrer, ou fin août, on traitera vos cas en priorité. The Good Times. Dans quelques instants, nous allons faire un nouveau point info. Nous allons voir quels sont les dossiers qui bloquent. J'ose espérer qu'Hervé Pouchol a pu nous trouver deux, trois petites infos. Eh bien, oui. Eh bien, c'est tant mieux, mais sur quel dossier? Vous voulez savoir tout de suite? Ah ben, au moins le dossier. Bon. Alors, le dossier, c'est le dossier numéro 1, celui de Marie-Christine. Ah, avec les cafards? Oui. Ah, le Pouchol fait son secret, j'aime oui. ça. Dans quelques instants, vous allez en savoir plus. En général, quand il fait son secret, on a tous ouais. derrière une énorme déception. A tout de suite sur RTL. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 6 490 €. C'est une 5 portes ? Oui, 6 490 € avec 5 portes et vitres avant électriques. Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 6 490 €, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin sur Panda 1 litre 2, détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique? Pareil. Frigo dans les accoudoirs? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Sœur, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. Femme actuelle, un thriller qui nous tient en haleine de bout en bout, palpitant, flamboyant. L'Express, toujours aussi efficace. Sœur de Bernard Minier, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Ça va être la fête chez Carrefour Market. Alors, il paraît que c'est ma fête aujourd'hui. Ah bonjour Michel, oui, en ce moment Carrefour Market fête ses clients. Et ça veut dire plein de promos incroyables, je parie. Plein, par exemple jusqu'au 24 juin chez Carrefour Market, la troisième bouteille d'Oasis est gratuite. Alors orange, tropical, pomme cassis. Ah, une dernière chose, bonne fête Michel. Merci, bon, ça va être la fête des petits neveux aussi hein. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. La bouteille de 2 litres, magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chérie, avant de faire les papiers de la voiture avec le monsieur, on peut essayer un truc? Bah si tu veux, ouais. Ah bah ok, allez-y. But à la 90e minute. Ok, c'est bon, on la prend. Pas de problème. Volkswagen, à l'épreuve des supporters. En ce moment, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Filorga, la crème anti-âge concentrée comme une maison injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur filorga.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes sur quel dossier? Il y a une alerte, Charlotte. Marie-Christine, sa fille vit au milieu des cafards et fait face au silence de son bailleur. Qui est en ligne, s'il vous plaît, Hervé Pouchol? Vous avez Madame Fievé, qui est la directrice d'agence de Lille, qui connaît parfaitement le dossier. Bonjour Madame, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur la radio RTL. Je suis navré de vous déranger, mais nous essayons déjà de bien comprendre la situation de Marie-Christine et de voir comment on peut la sortir de là. Elle qui vit, j'ai cru comprendre, seule avec ses 6 enfants, infestée de cafards. On a mis une petite vidéo en ligne qui est assez... ça fait peur. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il? Comment peut-on avancer, s'il vous plaît, en vous remerciant une nouvelle fois de nous parler? Allô? Ah, alors un petit problème. Là, je pense que c'est un problème de liaison. Effectivement, madame... Attendez, bougez pas parce qu'on l'a fait sur un portable privé pour tout vous dire. Allô, vous m'entendez, madame? Oui, très mal, monsieur. Ah, excusez-moi. Est-ce que vous avez entendu? Donc, je vous disais merci d'être avec nous et on essayait de comprendre le cas de Marie-Christine. Comment peut-on avancer, s'il vous plaît? Bon, écoutez, par rapport à ce que je viens de vous indiquer, il faut impérativement que madame se rende disponible pour qu'on puisse accéder à son logement et effectuer une nouvelle fois une désinsectisation dans son appartement. Puis-je vous interrompre simplement, madame? Oui, allez-y, pardon. Oui, sachant que nous avons prévu de traiter également l'ensemble de la résidence pour la fin du mois de juin, comme nous l'avions fait l'année dernière. Mais le problème, madame, c'est que, et je comprends, hein, mais ça fait 6 ans. d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'il y a des cafards. Donc à chaque fois, on fait une petite intervention, mais il va falloir maintenant prendre peut-être le problème. Alors vous dites que vous allez le faire sur tout l'immeuble, mais vous l'avez déjà fait sur tout l'immeuble et ça n'a rien fait ? Oui. Ah ben ça c'est revenu. Alors pourquoi c'est revenu? Après ça peut être une question d'entretien de logement. Alors je ne dis pas que forcément l'origine c'est le logement de Madame Vancamp, hein, mais nous à partir du moment où on a traité toute la résidence, s'il y a à nouveau des cafards qui reviennent, c'est que il y a quelqu'un qui les ramène. Hein. Jeter un petit coup d'œil. Alors qui pourrait les ramener par exemple? Ah, je ne sais pas, je ne porterai pas de jugement, monsieur. D'accord. Alors, il y a ça, et il y a également, je ne sais pas si vous êtes au courant, des problèmes d'eau chaude depuis plusieurs mois et les toilettes qui fuient constamment. Ça, plus les cafards, c'est plus 6 enfants, plus un appartement, ça fait beaucoup quand même. Alors, pour les problèmes d'eau chaude, comme pour tout client locataire, il y a un numéro d'appel direct auprès de notre société prestataire. Ouais. Donc, il suffit d'appeler la société pour avoir une réparation. Alors, on va demander de la chaudière à Marie-Christine. Ou de la fuite des WC. Est-ce que vous l'avez fait, ça, Marie-Christine? Parce que ça m'apparaît simple quand même. Oui, mais quand Proxy Service vient pour faire la chaudière, ils veulent pas le faire parce qu'il y a des cafards. Voilà. Ah. Voilà. Ils veulent pas intervenir parce qu'il y a trop de cafards. Allez voir quand même la vidéo, madame, si vous ne l'avez pas vue. C'est pas 2-3 cafards comme on le fait habituellement, c'est une invasion de cafards. Maître Novakovic vous parle. Oui, bonjour, madame. Ah, je veux bien vous croire, monsieur. Ah. Je veux bien vous croire, nous avons fait 5 interventions dans le logement de madame Vancamp sur un an. Donc je veux bien vous croire qu'il y a énormément de cafards. Bon, alors est-ce que dans ces cas-là, on se dit pas, je sais pas, est-ce qu'on laisse une femme et 6 enfants vivre là-dedans ou est-ce qu'on trouve pas une autre solution? On condamne cet appartement, mais est-ce que... On voit bien que ça marche pas, donc il faut bien qu'on passe à autre chose. Oui, bonjour madame. Je me permets d'intervenir. Si vous pouvez, madame. Simplement, on est vraiment dans l'insalubrité, on rentre dans la loi du logement décent et le fait que vous devez respecter la loi, vous devez impérativement la loger ailleurs le temps de la désinfectisation. Ce n'est pas normal de laisser en cet état avec 6 enfants en bas âge. On va vous laisser travailler sur ce dossier, mais vous avez bien entendu qu'en plus, l'eau chaude et les toilettes, les gens ne veulent pas intervenir parce qu'il y a trop de cafards. Ils disent on ne met pas les mains là-dedans, c'est dégueulasse. Donc, essayons de trouver une solution et on se reparle dans les jours qui viennent. Écoutez, moi je suis toute disposée effectivement à résoudre la situation. Il est prévu la désinsectisation du logement de madame au mois de juin. Il faut qu'elle se rende disponible et on a également prévu la désinsectisation de l'ensemble de la maison. Ça marche. Alors on fait ça, vous avez entendu, puis nous on va essayer quand même d'avoir la mairie de l'autre côté peut-être demain, d'avoir le cabinet de Martine Aubry pour voir comment nous pouvons avancer. Merci madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Je reparle avec eux demain après-demain. Merci. Vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz? L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins Mobalpa sur mobalpa.fr. Pour EOVMCD Mutuelle, je ne suis pas une senior, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. Et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique. C'est pour cela que Nicole a choisi EOVMCD Santé Vitalité. La complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOVMCD Mutuelle, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVMCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eov-mcd.fr. Et si on parlait Renault Service? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Alors, prêt pour les vacances? Maillot, ok. Licorne gonflable, ok. Et votre voiture, vous y avez pensé? Renault vous offre le bilan départ en vacances. Pression des pneus, ok. Amortisseur, ok. Profitez de l'ouverture exceptionnelle ce samedi pour effectuer votre bilan départ en vacances. Il vous est offert. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 juillet 2018. Voir conditions sur Renault.fr. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une victoire. Bon, ben je me prends une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une défaite. Bon, ben je me prends une petite glace, moi. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat d'une boîte de 6 glaces Magnum amande, la deuxième est à moins 70%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 juin, modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Food veut dire nourriture. Conforama, le confort pour tous. Pendant les ventes privées Conforama, avec la carte Confo Plus, on vous réserve jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Ça donne envie d'avoir la carte. Alors demandez-la vite et profitez-en dès maintenant. Conforama, jusqu'au 25 juin, conditions en magasin et sur conforama.fr. Bienvenue chez votre distributeur Skoda. Monsieur Thomas pour vous aider. Oui, c'est Monsieur Guyet. La Skoda Octavia, elle a la garantie 5 ans offerte? Oui, Monsieur Guyet. La garantie 5 ans est offerte sur toute la gamme.